Bongo, Douimana. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 25 mars 2021. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, en visite officielle en Égypte, a demandé aux investisseurs égyptiens à profiter des opportunités d'affaires offertes par le Burundi. Dans ce journal, on vous fait la carte postale de ce pays du nord de l'Afrique avec lequel nous partageons les eaux du Nil. Et il s'observe un relâchement notoire dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus sur certains lieux publics comme les parkings de bus. L'administrateur de la commune urbaine de Mukaza demande à la police de redoubler de vigilance. Un homme originaire de la colline Neruganza, en commune Matongo de la province Kayanza, est dans les mains de la police depuis hier. Il est poursuivi pour avoir tué sa femme à coups de machette. Et l'équipe nationale de football des Inhamba Murugamba affronte ce vendredi un match retour. L'équipe centrafricaine dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Le sélectionneur Jimmy Ndayizeye est nourri des espoirs d'une victoire. Bonjour. Le Burundi entretient de bonnes relations de coopération multilatérale avec la République arabe d'Égypte, qui appuie beaucoup le Burundi dans le domaine de la santé. En visite officielle dans ce pays, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a salué ce mercredi le soutien de l'Égypte et a appelé les investisseurs égyptiens à profiter des opportunités du climat des affaires qu'offre le Burundi. Evariste Nzikobanyaha nous fait la carte postale de l'Égypte. L'Égypte est un pays se trouvant en Afrique du Nord-Est. L'Égypte est un immense désert traversé par le fleuve Nil, le long duquel s'étend une étroite vallée verdoyante et fertile. Avec plus de 106 millions d'habitants en 2021, l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. 90% de sa population habite dans une bande de terre fertile qui longe le Nil. Le reste du territoire est désertique. Malgré une surface cultivable réduite, l'agriculture constitue un secteur clé de l'économie égyptienne. L'Égypte dépend du Nil pour 85% de son eau. Ce pays est en conflit avec l'Éthiopie qui construit sur le fleuve Nil l'un des plus grands barrages hydroélectriques d'Afrique. Mais le projet suscite la colère de l'Égypte. Le barrage, dit barrage de renaissance, devrait être le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. Plus de 60% des travaux semblent déjà achevés. L'Égypte intervient au Burundi dans les domaines de la santé, de l'éducation ainsi que celui de l'agriculture. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, est en visite en Égypte depuis ce mardi, la première visite officielle de cette année. Dans son allocution prononcée, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, à l'occasion du point de presse conjoint à marge de la visite officielle en République arabe d'Égypte, a salué le rôle majeur joué par la République arabe d'Égypte à la défense des intérêts africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Burundi en est toujours gré et n'oubliera jamais de ce soutien, a-t-il martelé. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a invité les investisseurs égyptiens à tirer profit des opportunités et du climat des affaires qu'offre le Burundi. Merci Evariste. Les parlementaires et les sénateurs élus dans la circonscription de Kirundo sont satisfaits des réalisations des projets du gouvernement et réclament une indemnisation des familles dont les propriétés ont été utilisées à ces fins. Il s'agit du projet d'électrification dans 4 communes, du projet de distribution d'eau potable en cours dans la commune de Bougavira et de la construction d'un grand puits de 6 000 litres qui servira d'irrigation des champs de culture sur une superficie de 570 hectares. Abraham Safari pour les détails. Les parlementaires et les sénateurs élus dans la circonscription de la province de Kirundo signalent qu'ils sont satisfaits des réalisations faites dans les différents projets du gouvernement. Ici, il s'agit entre autres du projet d'électrification des communes de Busoni, Bgambarangwe et Gitobe. Ce projet, selon les responsables, va coûter plus de 20 millions de dollars américains et tous les dispositifs sont déjà prêts pour démarrer avec les activités. Un autre projet qui est en cours concerne la distribution d'eau potable en commune de Bougavira. Ces élus ont demandé aux exécutants du dit projet de le faire énergiquement pour que la population ne fasse plus la chaîne au marché d'eau où un bidon de 20 litres d'eau potable s'achète à 500 francs et le bidon d'eau du lac à 300 francs. Ils ont aussi visité un grand puits en construction qui va contenir 6 000 mètres cubes d'eau. pour irriguer les champs de culture sur une superficie de 570 hectares sur la colline de Gatete, en commune de Busoni, où l'ensoleillement cause souvent la famine et le départ massif de la population vers les autres régions. Les parlementaires et les sénateurs ont demandé au gouvernement de donner des indemnités pour ceux dont les propriétés ont été utilisées dans la réalisation de ces projets. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Je vous l'avais dit dans les titres, les mesures prises par le gouvernement de se protéger contre le coronavirus ne sont pas respectées par certains passagers dans les parkings des bus de transport en commun du nord de Bujumbura. Les chauffeurs de bus, de même que certains passagers, signalent que le port de masque n'est pas respecté et soulève le problème de manque d'eau sur ces parkings pour se laver les mains. C'est un reportage de Jean-Marie Mayong. Dans les parkings des bus visités, comme au marché Cotebou et à la gare du Nord, les chauffeurs des bus et des passagers signalent que la mesure de porter des masques pour se protéger contre le Covid-19 n'est pas aujourd'hui respectée. Ces chauffeurs disent que quand ils proposent de porter les masques aux passagers, leurs clients ne comprennent pas. La mesure n'est pas respectée. Normalement, nous les chauffeurs et convoyeurs, nous mobilisons les passagers à porter leurs masques. Mais ils ne comprennent pas, ils nous considèrent comme des idiots. Ces chauffeurs de bus, de même que des passagers, précisent que dans ces endroits où ils exercent leurs fonctions, s'observe un manque d'eau et du savon, ce qui devient un problème pour se prévenir contre cette pandémie. Ici, il n'y a pas de l'eau pour se laver les mains. Ce qu'il faut, c'est disponibiliser l'eau et du savon. Les chauffeurs et les passagers tous demandent au gouvernement de rappeler encore une fois les mesures nécessaires pour se prévenir contre le Covid-19 et de multiplier les sensibilisations dans les communautés. Et à propos de ce relâchement du port de masque dans les transports en commun et du lavage des mains à l'eau propre et au savon dans certains lieux publics, l'administrateur de la commune Mukaza Renovacinda Yebura interpelle la police de mettre plus de vigilance dans le contrôle et suivi de la mise en application de ces mesures barrières. On l'écoute. Ce qui s'observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain moment au niveau de la mise en application des mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé publique en ce qui concerne la prévention du Covid-19. Qu'est-ce que vous faites quand vous constatez le relâchement de ces mesures? On a déjà alerté la police, quitte à ce qu'ils puissent nous aider, surtout dans les quartiers, au niveau des boutiques, au niveau des bistrots, en collaboration avec les administratifs à la base, et également au niveau du parking dans la marché central. Nous avons alerté la police de veiller, quitte à ce que toute personne qui entre dans nos bus doit impérativement porter un masque. Et pour les cas échéants, quand il y a des récalcitrants qui continuent à ne pas appliquer les mesures qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus, on essaie de le remettre à l'ordre. À un certain moment, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient emprisonnés, mais s'il y a des récalcitrants, on peut le faire pour éviter que la propagation de ce virus puisse continuer à se faire. La population doit savoir que le coronavirus est une réalité qui est là. Le virus est en train de circuler au niveau de la population. Chaque personne doit savoir qu'il doit se protéger contre ce virus. Et pour se protéger, il faut toujours se laver les mains, il faut porter le masque quand on veut en public et prendre toutes autres mesures pour éviter d'être en contact avec d'autres personnes afin d'éviter que vous puissiez être contaminé. C'était l'administrateur de la commune Mukaza Renovacinda Yebura au micro d'Ornella Mouchou. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un homme originaire de la colline Ruganza, en commune Matongo de la province Kayanza, a été arrêté par la police la nuit de ce mercredi à jeudi. Selon les informations sur place, d'ailleurs confirmées par l'administration communale, cet homme âgé de 27 ans est accusé d'avoir tué sa femme à coups de machette. Les mêmes informations indiquent que le mobile du meurtre serait lié aux problèmes mentaux du présumé auteur de l'acte, car la cohabitation entre cet homme et sa femme était jusque-là bonne. L'administrateur de la commune Matongon Sabiyoun Valis fait savoir que le présumé auteur va être transféré au parquet de Kayanza pour constitution du dossier judiciaire et que la victime va être enterrée étant donné que les centres de santé en cette commune ne disposent pas de chambres froides. Et certaines familles de la zone envahies par les inondations à Rumonge suite à la montée du niveau des eaux du lac Tanganyika campent toujours dans cette zone malgré l'expiration ce 22 mars courant de l'ultimatum les appelant à vider les lieux. Ceux qui se sont exprimés disent qu'ils n'ont pas d'autre choix. L'administrateur communal de Rumonge, qui avait pris cette mesure sur demande du président du Sénat burundais, dit qu'on est en train de voir comment vider cette question. Jean-Pierre Misako. Nous avons manqué de moyens et où aller, sinon on aurait déjà quitté cette zone inondée. Tels sont les cris d'alarme des habitants du quartier Kanyenhoko sous colline Kastam, l'un des secteurs concernés par la montée des eaux du lac Tanganyika dans la ville de Rumonge. Jumani Kwigize est l'un de ses habitants concernés par ce problème. Devant la maison de son fils où il a dû se réfugier après l'écoulement de sa maison en août 2020, cet octogénaire dit qu'il a dû rester, lui avec sa femme et ses enfants, dans cet endroit, non pas parce qu'il en est fier, mais parce qu'il n'a pas d'autre choix. Que ce soit ceux qui ont déjà quitté cette zone mais qui vivent dans de mauvaises conditions, que ce soit ceux-là qui y restent encore, tous demandent au gouvernement burundais de se pencher sur les cas. Alors que le 22 mars courant était la date butoir donnée à ces habitants occupant encore la zone inondée pour la quitter dans l'optique de les protéger et protéger le lac Tanganyika, Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, qui avait pris cette décision sur demande du président du Sénat burundais, dit qu'un rapport relatif sera fourni à ses supérieurs afin de statuer sur ce cas. Jean-Pierre Misago, depuis Kanyenhoko, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Un peu d'actualité internationale. Nous reviendrons tout à l'heure sur la conférence de presse animée par le sélectionneur de l'équipe nationale de football. Les Intamba Murugamba qui affrontent ce vendredi la sélection centrafricaine dans le cadre du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. En Égypte, le canal de Suez, l'une des voies commerciales les plus empruntées au monde, est encore fermé à la circulation puisque toujours bloqué par le géant navire Ever Given. Le navire de plus de 219 000 tonnes qui se rendait à Rotterdam en provenance d'Asie est à l'arrêt après avoir été déporté par une rafale de vent alors qu'il venait de franchir l'entrée du sud du canal de Suez. Conséquence, de nombreux navires, plus d'une centaine transportant du pétrole et d'autres produits commerciaux sont toujours bloqués aux deux extrémités du canal, entraînant d'importants retards de livraison. Et selon les experts, les opérations de remorquage pourraient prendre plus de jours que prévu. Et les Kenyans sont de plus en plus nombreux à se présenter au centre de vaccination de l'hôpital de Machakos pour recevoir le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca. L'autorisation de l'Union européenne a levé les soupçons selon lesquels des caillots de sang inhabituels se formeraient après l'administration de la piqûre et de nombreux pays européens avaient suspendu brièvement son administration. Et dans l'entretemps, près de 3 millions de cas de Covid-19 et plus de 65 000 décès ont été signalés en Afrique entre le 14 février et le 31 décembre 2020. Une étude publiée ce jeudi démontre l'impact plus important de la deuxième vague sur les populations africaines. Et bien que le nombre de cas et de décès en Afrique reste dans son ensemble assez faible par rapport à de nombreuses autres régions du monde, l'analyse au niveau des pays révèle des taux d'incidence particulièrement élevés dans certaines nations, notamment le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Libye et le Maroc, qui sont très proches d'autres pays à travers le monde. On revient maintenant sur la conférence de presse du sélectionneur des Intamba Murugamba, l'équipe nationale de football, qui est prête à affronter la sélection centrafricaine ce vendredi dans le match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Déclaration du sélectionneur des Hirondelles ce jeudi lors d'une conférence de presse animée par vidéoconférence. Jimmy Ndayizeye tranquillise les supporters de l'équipe nationale. Il a de l'espoir que sa sélection va remporter la victoire et leur demande de respecter toutes les mesures prises par la Confédération africaine de football. Les détails avec Baleine Havyarimana. Lors de cette conférence de presse que le sélectionneur de l'équipe nationale a animée via la vidéoconférence ce jeudi, il a indiqué que les joueurs de l'équipe nationale sont prêts à affronter la sélection centrafricaine ce vendredi dans un match retour qui sera livré au stade Inouari de Bujumbura à partir de 15h. Le match de ce vendredi avec la sélection centrafricaine est comme la finale pour nous, du fait que si nous gagnons ce match, nous aurons l'espoir de valider le billet de participer dans les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coach Jimmy Ndayizeye affirme qu'il a des informations suffisantes pour l'équipe adverse. Dans le match aller, ils nous ont battu 2-0. Pour le moment, nous suivons de près cette sélection centrafricaine via les vidéos des autres matchs qu'ils ont livrés avec les autres équipes nationales. Cela va nous permettre de connaître les points forts et faibles de cette sélection. Jimmy Ndaizé précise en outre que la santé de tous les joueurs est bonne, sauf certains qui seront absents dans cette rencontre du fait qu'ils ont été testés positifs de la COVID-19, y compris le capitaine Saïdo Wirahino. Certains joueurs seront absents dans son match, dont le capitaine Saïdo Wirahino, gardien Justin, Eric Ndizeye et le capitaine Ajé Gaël. Motif, ils ont été testés positifs du COVID-19. Mais nous avons l'espoir que Gaël sera présent au Maroc. Après ce match contre la sélection centrafricaine, l'équipe nationale burundaise prendra un avion en destination du Maroc pour jouer le match retour avec la sélection nationale de ce pays mardi de la semaine prochaine. Le Burundi occupe la troisième position de la poule et avec 4 points. La première place revient au Maroc avec 10 points au moment où le Centrafrique est dernier avec 3 points. Merci Balen, Javier Imana, c'est la fin de ce journal à 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, en visite officielle en Égypte, a demandé aux investisseurs égyptiens à profiter des opportunités d'affaires offertes par le Burundi. Dans ce journal, on vous a fait la carte postale de ce pays du nord de l'Afrique avec lequel nous partageons les eaux du Nil. Il s'observe un relâchement notoire dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus sur certains lieux publics comme les parkings de bus. L'administrateur de la commune urbaine de Mukaza demande à la police de redoubler de vigilance. Et un homme originaire de la colline Ruganza, en commune Matongo de la province Kayanza, est dans les mains de la police depuis hier. Il est poursuivi pour avoir tué sa femme à coups de machette. Et l'équipe nationale de football des Inhambe Murugamba affronte ce vendredi un match retour. L'équipe centrafricaine dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Le sélectionneur Jimmy Ndayizeye nourrit des espoirs d'une victoire. Vous venez de l'entendre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Séraphine Hakizimana au micro. Jean Bosco Nduimana, un très bon après-midi.